Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. L'organisation PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, dénonce la fabrication des jus non certifiés par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, mais aussi la vente de médicaments périmés. Pour le président de cette association, cela témoigne d'une corruption qui prend de l'ampleur dans le pays, mais qu'il faut éradiquer. 4 personnes ont été blessées hier dimanche lors des échauffourées qui ont eu lieu à l'église Emmanuel située en zone Eruche. Nous sommes dans la commune Erugazi en province de Bubanza. Au chef-lieu de la province de Ngozi, au nord, on parlait de 2 personnes qui ont été blessées hier dimanche par des balles tirées par des gens non identifiés. Certains étaient en uniforme de police. Et puis, le forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert ce lundi matin à Pékin. C'est le 3e forum du genre depuis l'année 2000. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. La mise en onde est assurée par Eric Ouimana et présentation Léonce Bitalio. L'ONG locale PARSEM dénonce la fabrication des jus non certifiés par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de la qualité, mais aussi la vente des médicaments périmés. Si le phénomène continue, selon le président de la PARSEM, et que les ministères concernés ne prennent pas de décision qu'il faut à l'encontre des usines de fabrication, c'est parce que la corruption prend de l'ampleur dans le pays. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures concrètes dans l'intérêt général de la population en éradiquant définitivement la fabrication et la commercialisation de ces produits. Suivez Faustin Dikoumana, président de la PARSEM, propos recueillis par Annoncia Tendabarushimana. Il est probable qu'on continue à avoir des produits en circulation, fabriqués ici et là en désordre, alors qu'ils n'ont pas les normes de qualité nécessaires. Il y a des médicaments, il y a des produits alimentaires surtout, et qui ont un impact, risque très important sur la santé publique. Là, il faut faire très attention, décider, parce que ça rentre même dans le cadre global de tous ces produits, les drogues qui sont prohibées. Et la cause, c'est justement, c'est la corruption qui se généralise. Quand la corruption se généralise, les gens s'investissent dans les activités hors normes. Paraît-il qu'il y a un rapport clair, scientifique, au niveau du bureau de contrôle de la qualité. Ça veut dire que tous les instruments sont nécessaires pour que le gouvernement puisse prendre décision. Il est de la responsabilité du ministère de la Santé, du Commerce, de la Sécurité, de l'Intérieur, pour prendre des mesures qui s'imposent pour mettre hors d'état de nuire tout. Et ces produits qui sont en circulation et qui n'ont pas la norme de la qualité. L'action synergique doit être pilotée par le gouvernement dans sa solidarité, en entièreté. Le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité du Commerce, ils ont des patrons qui assurent la coordination du gouvernement. Il y a le président de la République, il y a les 2 vice-présidents. Ils assurent la coordination du gouvernement. Les ministres sont redevables. Il faut prendre responsabilité, agir dans le temps. Si alors le gouvernement continue à travailler d'une manière dispersée, chaque ministre s'isole, fait ses actions, la synergie n'est pas encadrée au niveau supérieur, les résultats seront toujours mitigés. Il faut du tonus au niveau du gouvernement. Conseil des ministres, ils se réunissent, prennent des décisions assez claires. Il y a aussi le Conseil national de sécurité qui peuvent s'impliquer. Donc, ça doit être une action synergique pour quand même mettre hors d'état de nuire ces citoyens dont le comportement est viré par rapport à la santé de la population. C'est une campagne tous azimuts, le gouvernement, la société civile, l'Assemblée nationale, mais toujours est-il qu'il doit produire des résultats si le gouvernement prend le devant et s'y investit avec énergie. Parce que même toutes ces actions isolées, s'ils n'ont pas de soutien du haut sommet, il y a des gens qui ont toujours tendance à mettre des entraves par rapport aux bonnes initiatives, mais qui sont initiées de façon dispersée, qui doivent avoir le soutien du haut sommet pour justement que ceux qui utilisent les positions stratégiques au niveau du gouvernement, au niveau de l'appareil administratif, sentent qu'il y a une pression au-dessus et qui doivent être responsables devant la justice. Faustin Dikoumana, président de la PARCEM. Page sécurité pour vous dire que deux personnes ont été grièvement blessées par des balles tirées par des hommes non identifiés. Parmi eux, ceux en uniforme policière. Nous sommes dans le quartier Gisagara, au chef-lieu de la province de Ngozi. C'était ce dimanche soir, vers 22h. 26 personnes habitant près du lieu du forfait ont été appréhendées, accusées par la police de non-assistance à des personnes en danger. En province de Bouanza, au nord-ouest, on parlait de 4 personnes qui ont été blessées lors des échauffourées qui ont eu lieu hier dimanche à l'église Emmanuel, située en zone Eruche de la commune Rugazi. Des informations en provenance de la localité disent que les chrétiens se sont retrouvés divisés en deux groupes avec deux responsables différents. Ils se sont rentrés dedans et la police qui est intervenue a finalement décidé de fermer l'église et tous les fidèles ont été sommés de rentrer. En éducation, 418 salles de classe manquent dans toutes les écoles de la province de Bubanza au nord-ouest du Burundi. Même chiffre pour les tableaux noirs. La direction provinciale de l'enseignement dit attendre la réalisation des promesses faites par les communes. 1600 cahiers, 150 stylos, plus de 70 cartes d'assurance et maladie font partie du don offert par l'association Fondation Tabita Action aux personnes vulnérables, composées par les enfants et les veuves de Kavumu et Sororezo en province de Bujumbura et des quartiers Kanyosha et Gitaramuka en mairie de Bujumbura. C'était hier dimanche. Les bénéficiaires se disent satisfaits. Ils se réjouissent que cette fois, ils pourront se faire soigner et leurs enfants pourront étudier comme les autres. Au sport, les équipes de basketball, Bercostar côté filles et New Star côté garçons, ont été premières du championnat national de basketball clôturé ce dimanche. L'équipe nationale senior de football se prépare pour le match contre la sélection gabonaise dimanche prochain. Hier, les Inhamba Murugamba ont égalisé un but partout avec la sélection éthiopienne. Et au milieu de la semaine, le championnat national de football en première division va se poursuivre. Le stade Prince Louis Gwagasore va abriter quelques matchs. C'est après une année qu'il était en cours de réhabilitation. Les détails de cette actualité sportive avec Evariste Nzikobanyang. La formation féminine de basketball Bercostar a été championne ce dimanche. Lors du match final du championnat national, cette formation a battu les Gazelles 53-45. Côté garçon, c'est l'équipe New Star qui a été sacrée de cette année. C'est après avoir battu difficilement Gymkhana sur le score très serré de 76-75. Depuis 2013, l'équipe New Star n'avait pas décroché la première place du championnat national. L'équipe nationale de football senior est en route vers le Gabon où elle va croiser le fer dimanche prochain avec la sélection gabonaise. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 dont la phase finale se déroulera au Cameroun. Pour se préparer à ce match, les Inhamba Murugamba ont livré un match amical ce dimanche contre la sélection éthiopienne. Ce match qui s'est déroulé dans la ville de Hawassa s'est soldé sur le score d'un but partout. Le but de Inhamba Murugamba a été marqué par Hussein Chabani à la 58e minute, tandis que le but égalisateur des Éthiopiens a été marqué à la 72e minute par Gatane Kebede. Au milieu de la semaine en cours, le championnat national de football en première division sera en sa 4e journée. Ce mardi à Gitega, à 14h, Flambeau du Centre jouera contre Olympic Star. Au stade de Prince Louis Gwagasore, à 14h, le match opposera Messager Bujumbura et Bubamuru. À Gitega à 16h, ce sera le tour de Musongati et Rukinzo. Au stade de Rukundo d'Ongozi, Kayanza United croisera le fer contre Vitalo, tandis qu'à 16h, au stade de Prince Louis Gwagasore, l'idéal que Burundi Sport for Africa jouera contre Ngozi City. Ce mercredi, au stade de Prince Louis Gwagasore, à 14h, Atletico Olympique va accueillir Buja City. Et à 16h, ce sera le tour des équipes Lilière et Flambeau de l'Est. En ce moment, Aigle Noir de Makamba sera en train de jouer avec Messager Ngozi. Merci Evariste. Les agriculteurs qui exploitent les anciennes propriétés de la société Rugofarm sur la colline Gabiro-Luzagila en province de Cibitoke s'inquiètent du sort de leur culture après l'attribution de cet espace à l'État par la Commission nationale des terres et autres biens. Le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, Deogi Derulema tranquillise ces derniers, leur signifiant qu'ils continueront à exploiter ces terrains après réaménagement. Le ministre Derulema indique également que ces terrains ne seront plus loués, mais exploités gratuitement. Elie Nibel et Nibigila. C'est une propriété d'environ 1500 hectares se trouvant sur la colline Gabiro-Rubyagira, zone commune et Rugombo de la province de Cibitoke. Cette propriété était jadis gérée par l'entreprise Rugofarm qui a passé à la location des parcelles aux petits agriculteurs. Parmi les cultures qui s'y plantent figurent les palmiers à huile, les tomates, les amarantes, du maïs, du riz, etc. Alors que cet espace a été récupéré par le gouvernement depuis le mois de juillet dernier, les agriculteurs ayant loué s'inquiètent du sort de leurs cultures qui n'ont pas encore été récoltées et qu'ils avaient récemment payé le loyer pour une autre saison. Le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage, Théogui Derurema, les tranquillise que le gouvernement ne va pas leur retirer ces parcelles. Il ajoute qu'une commission sera bientôt mise en place pour se charger de toutes les questions qui se posent autour de ce terrain, mais que ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui vont beaucoup en profiter. Alors que le ministre Rurema recommande que prochainement les agriculteurs de cette propriété plantent une culture unique par saison, les cultivateurs se demandent la faisabilité de ce projet alors qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Théogui Derurema met en garde toute personne qui s'arrogerait le droit d'exploiter cette parcelle ou celui qui ferait payer les loyers aux agriculteurs. Il demande à la population de ne plus accepter de payer pour une propriété qui leur appartient. Depuis la colline Gabiro-Rubyagira de la zone commune Rugombo en province Cibitoke, Eli Nibel Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Nibel. Je vous le disais en titre, le forum de coopération entre l'Afrique et la Chine s'est ouvert ce lundi matin à Pékin, la capitale chinoise. C'est le troisième forum du genre depuis 2000 selon nos confrères de RFI. Mais la Chine a mis l'accent sur cette édition alors que les intérêts économiques et diplomatiques chinois ne cessent de grandir en Afrique où Pékin devient plus qu'un partenaire économique. Alors que les relations sino-africaines sont essentiellement économiques, recevoir la plupart des dirigeants africains en grande pompe à Pékin participe à donner une coloration plus politique à ses relations. Si Pékin se défend de tout néocolonialisme en Afrique, force est de constater qu'une puissance grandissante doit bien protéger ses intérêts à l'étranger. Et c'est là que le politique et l'économique sont étroitement liés. Le forum s'est ouvert en présence du président chinois et de la plupart des chefs d'État africains. Le Burundi a été représenté à ce forum par le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoury. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Ouimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.